speed, n'est qu'un argument commercial. Hey, qui est l'appui du marketing? La groupie en bas du bloc. Oh, yeah. Tape dans les mains et laisse la grosse caisse. Encaisse, que le rap dans la caisse. Encaisse, les basses, ramène des tasses, des crasses, les watts. Qui rocks, blast. Si le beat n'est qu'un argument commercial, qui est l'appui du marketing qui se sent en Prada. Y'a des paires de claques qui se perdent chaque soir. Y'a du renouveau dans les bacs, alors check ça. DJ Ghost Vader au platine de l'aise sur le tatami. Dans mon clip, tu pas en fit avec Atsuni. Technico-tactique, le rap est en convalescence. Théorie, pratique, j'carbure à l'essence. Avoue que t'aimes, même sans thème, c'est le premier tome. Rosacon, Jack, c'est du job que du com. Comme la fois où t'as goûté à Tricard, t'avais la trique devant un porno gay où sont passés les hommes, pas les dalpés. La connerie humaine, t'aimes son paroxysme. L'heure où la politique fait du proxénétisme. On lâche pas le frein, on fonce dans le mur. On sent pas les reins si tout le monde hurle. Chacun pour sa gueule, tout le monde pas en couille. On tire partout et chez t'en ramasse les douilles. On trouve de tout partout, tout est fou. La planète un asile dans un monde de magouille. Chacun pour sa gueule, tout le monde pas en couille. On tire partout et chez t'en ramasse les douilles. On trouve de tout partout, tout est fou. La planète un asile dans un monde de magouille. Reprenons les choses à zéro, l'homme était un singe. Regarde-le devenir un chien guidé par la faim. Fond 1, difficile d'y croire, mais on est dirigé par des clubs de luxe qui bossent à l'Elysée. Malgré la métaphore qui se forme et déforme le fond et la forme de millions de personnes. 60 millions d'amis, 60 millions d'ennemis. À vrai dire, l'amitié est rachetée par le vice. On vise le pactole, pas de bol, j'suis le cousin Peter. Sur ton trône, et là la foule rigole. Roule un joke et décolle. Si tu cales, j'ai introduit ton système. Sors ta meuf, mi famille, chaîne, les gens. Roule sur les gens dans des santés. Fonce dans le mur de la bêtise, ressens l'impact. Fais pas le thug avec ta femme, on sait qui porte le string et qui rentre à 7h le soir. Chacun pour sa gueule, tout le monde pas en couille. On tire partout et chez ta ramasse les douilles. On trouve de tout partout, tout est fou. La planète un asile dans un monde de magouille. Chacun pour sa gueule, tout le monde pas en couille. On tire partout et chez ta ramasse les douilles. On trouve de tout partout, tout est fou. La planète un asile dans un monde de magouille. Et ces petites chaînes à qui on oublie de mettre des laisses, qui se laissent faire quand les liasses parlent d'elles-mêmes. La jambe féminine devient trop hard, autant aller chercher l'amour chez une fille du trottoir. Trop tard, trop tard, trop hard, sans stress, pose tes fesses, allonge la monnaie. T'es mené par le bout du nez, surmené, amené à gifler autrui comme ta patrine truie. Chacun pour sa gueule, tout le monde pas en couille. On tire partout et chez t'en ramasse les douilles. On trouve de tout partout, tout est fou. La planète un asile dans un monde de magouille. Chacun pour sa gueule, tout le monde pas en couille. On tire partout et chez t'en ramasse les douilles. On trouve de tout partout, tout est fou. La planète un asile dans un monde de magouille. Yeah.